J'ai peut-être tort de le repousser ainsi. C'est lui qui est bon et moi qui suis mauvais. Hélas, ce n'est pas ma faute. C'est mon souffle de condamné qui gâte et flétrit tout. On vient de m'apporter de la nourriture. Ils ont cru que je devais avoir besoin. Une table délicate et recherchée. Un poulet, il me semble. Et autre chose encore. Eh bien, j'essaie de manger. Mais à la première bouchée, tout est tombé de ma bouche. Tant cela m'a paru amer et fétide.